الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا بفضل الله عز وجل في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وأن يحسن ختامنا جميعا وبعد. Donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur la continuité de notre assise d'hier inshallah concernant toujours la lecture du livre « Les règles exemplaires concernant les attributs d'Allah et les attributs, concernant les attributs d'Allah et les noms parfaits. » Et donc, comme on a évoqué dans les assises précédentes et dans les cours précédents, ce livre, pour le lecteur, pour celui qui veut comprendre le domaine de la croyance et du dogme du musulman, alors ce livre est très important. Il a certes été rédigé par un savant contemporain, et ce savant contemporain, justement, il, dans son œuvre, rédige et nous enseigne des règles. Des règles à bien comprendre concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal et les noms, et ses noms. Et comme vous le savez, c'est la troisième catégorie d'unicité de Tawhid, célèbre dans la subdivision donnée et mise par de nombreux savants lorsqu'ils enseignent que les catégories d'unicité se subdivisent en trois. En trois, selon une certaine expression qu'on retrouve dans certains livres. Beaucoup de savants ont subdivisé l'unicité en trois catégories. De la seigneurie, de la divinité et des noms et des attributs. Et des noms et des attributs. C'est-à-dire le monothéisme. Le domaine du monothéisme se divise en التوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات. Donc l'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité, traduction relative, de l'adoration, التوحيد الربوبية, et des noms et des attributs. On ne va pas détailler chacun, pourquoi ? Parce que ça serait une assise et un cours, mais en résumé, pour vraiment se sensibiliser et se faire le rappel sur l'importance du domaine des noms et des attributs. Pourquoi ? Parce que ces trois formes d'unicité sont très importantes pour le croyant, car pour le croyant, lui, son objectif, c'est d'affirmer l'unicité de son Créateur, d'affirmer l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et pour affirmer complètement et parfaitement l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il faut affirmer son unicité et attester dans son unicité de sa seigneurie, dans l'adoration, et ça, c'est à travers nos actes, et aussi à travers notre croyance au nom et notre affirmation au nom d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs. Et donc le fait d'avoir une bonne croyance concernant les noms de notre Créateur et ses attributs, ça fait partie de Tawhid, de l'unicité. Et vous savez, une chose très importante pour le croyant, c'est parmi les choses dont le prophète en salam exhortait et incitait et commander les croyants de garder toujours un bon soupçon envers son Créateur, une bonne pensée envers son Créateur. À savoir que ça, c'est très important, surtout en période de difficulté, où le croyant dans cette vie d'ici-bas, il a des périodes où il est éprouvé par différentes épreuves. Donc l'homme dans cette vie d'ici-bas, il sera éprouvé, c'est inéluctable puisqu'on est dans la demeure de l'épreuve. La personne qui vit ici-bas, c'est la demeure de l'épreuve. Dans l'au-delà, ça sera la demeure de la rétribution. Donc c'est inéluctable. L'homme sera éprouvé dans cette vie d'ici-bas. Et dans ces épreuves, il devra faire preuve de patience et toujours garder une bonne pensée envers son Créateur. Et cette bonne pensée-là, justement, le croyant doit toujours la préserver et quitter ce monde avec une bonne pensée envers son Créateur, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Donc ça, c'est un travail que le croyant doit faire sans cesse pour garder une bonne pensée envers son créateur, subhanahu wa ta'ala. Et de grands savants, de grands imams ont dit ce qui aide à garder toujours une bonne pensée envers Allah Azza wa Jal, c'est la bonne connaissance de ses noms et ses attributs. Étudier le domaine des noms et des attributs d'Allah préserve et protège, ils disent, de la mauvaise pensée envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'avec l'étude des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, on apprend à connaître notre Seigneur. Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, qui est un principe essentiel et fondamental dans la vie du croyant. Et donc, c'est pour ça que ces règles sont très importantes. Et là, ça nous permet d'avoir une bonne compréhension. Et aussi bien cette bonne compréhension, elle va nous aider à comprendre le livre et la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran. Elle va nous aider à comprendre cette bonne compréhension et cette bonne connaissance, cette bonne croyance. Elle va nous aider aussi à comprendre la tradition prophétique, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on va passer sur des passages, des hadiths liés aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi à comprendre les livres, à comprendre notre religion. Et c'est pour cela que le sujet est très important. Pour continuer directement où on s'était arrêté hier, on est toujours sur l'évocation des points, deux points très importants. Comme on l'a relaté hier, pour faciliter la compréhension, on a dit déjà dans les premières générations, après l'époque des compagnons et des successeurs des compagnons, on a dit que émergea dans le monde musulman un débat. Et regardez comme font allusion certains savants, si on observe, au départ, si vous regardez, il y a eu l'apparition d'une fraction, déjà très tôt. Très tôt, à l'époque des compagnons, parmi les premières fractions et tendances innovatrices, c'est-à-dire courants innovateurs, qui ont émergé dans le monde musulman, est fait apparition Al-Khawarij. Al-Khawarij, le prophète, sallam, justement, dans des hadiths, dans des récits, a fait allusion à cette fraction de Al-Khawarij. Lorsqu'on dit fraction, dans le sens de tendance innovatrice, ou bien on peut dire secte aussi, secte, parmi les premières, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans des récits a fait allusion à eux, Al-Khawarij, qui sont apparus très tôt déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous observez le débat, alors ensuite s'installa entre Al-Khawarij, si vous regardez historiquement, et comme c'est l'époque des compagnons qu'ils émergent et font apparition, le débat s'installe entre les compagnons et Al-Khawarij. On voit que le débat était axé sur une question bien précise. Était sur Masalat al-Iman, la question de Al-Iman. À quel moment l'individu, le débat était sur cela, pourquoi ? À quel moment l'individu conservait Al-Iman ? Et Al-Khawarij, parmi les innovations et les hérésies qu'ils ont apportées, pour eux, celui qui accomplissait les grands péchés capitaux, alors faisait partie de non-croyants. Il perdait ce qu'on appelle Musamma al-Iman. Il n'était plus croyant. Et donc, le débat avec Al-Khawarij était sur la question de Al-Iman. Le terme, la traduction foi, ça, elle n'est pas complète, mais beaucoup comprennent avec le terme la foi, la question de la foi. Aussi, à l'époque des compagnons aussi, à l'époque des jeunes compagnons, il y a eu l'apparition de Al-Qadariya. Et même Al-Qadariya, il y a allusion à eux dans certains récits, comme dans le récit où il est dit Al-Qadariya Majusu Hadihil Umma. Majusu Hadihil Umma. L'apparition des négateurs du destin. Et ça, c'est à l'apparition, pardon, c'est à l'époque du compagnon, de jeunes compagnons comme Abdallah ibn Omar et d'autres. Le débat était donc porté sur la question du, comme c'est clair hein, par rapport à leur appartenance et leur nom, Qadar, la question du destin. La question du destin. Et il y a eu ensuite l'apparition de d'autres fractions et d'autres tendances, puisqu'ensuite il y a eu d'autres extrêmes. Dans le débat sur le qadr, sur le destin, ensuite il y a eu l'apparition de l'autre extrême de la négation du destin, qui est la tendance et la croyance de l'Qadariya, il y a eu l'apparition de cette fraction qu'on nomme, cette doctrine qu'on nomme Al-Jibriya. La doctrine d'Al-Jibriya, qui aussi, le débat était sur le destin. Et donc, eux, c'est la conviction opposée au négateur du destin. Al-Jibriya. Cette doctrine qui a été nommée Al-Jibriya. Concernant la question de la foi aussi, on a eu la doctrine contraire et opposée à la doctrine d'Al-Khawarij. Il y a eu l'apparition très tôt de la doctrine qui a été nommée Al-Murji'a. Al-Murji'a. Très tôt. Donc, vous voyez que le débat, au départ, est sur la question de la foi. Le débat est sur la question du destin et d'autres questions. Jusqu'à, comme on l'a explicité, jusqu'à ce que Shaitan, puisque celui, justement, qui a la cause de ces débats et de l'apparition de ces hérésies dans la nation musulmane, c'est Satan lui-même, Shaitan. C'est Shaitan. Jusqu'à ce que il va faire tomber ensuite les gens, après le débat sur la foi, sur le destin, et d'autres questions, regardez, le débat sera sur l'essence, même l'être, même du créateur. Vous avez vu? Ensuite, le débat va évoluer jusqu'à parler sur le créateur. Au départ, ils parlent sur la foi. Ils débattent sur la foi. Le débat aussi sur le destin, la question du destin. Le débat ensuite sur d'autres questions. Jusqu'à ce que Shaitan va les mener à parler sur l'entité, l'être même du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, lorsqu'il y aura la négation des noms et des attributs d'Allah azza wa jal, vous avez vu, le débat là, ce n'est plus sur la foi. Le débat n'est plus relatif aux croyants et au jugement de celui-ci. Le débat, il est lié à qui? Il est relatif à qui? À Allah, au Créateur subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu progressivement, si on observe l'histoire, chronologiquement, vous avez vu comment le débat évolue et Shaitan les a fait évoluer vers débattre sur l'être même du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et de là, déjà dans les premières générations, naquit le débat sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc émergea la doctrine qu'on appelait les négateurs des attributs. Ceux qui ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je fais ce rappel? C'est pour qu'on puisse comprendre maintenant pour qu'on puisse comprendre la suite. Dans ces points qu'on est en train d'évoquer, quels sont ces points? L'auteur nous a évoqué 6 points importants qu'on a appris. En fait, on a fini, écoutez bien, pour bien que vous puissiez comprendre, je synthétise pour qu'on puisse bien comprendre le cœur de l'écrit et de l'œuvre de l'auteur. Il nous a évoqué 6 points. Dans ces 6 points importants, on a appris pourquoi l'auteur lui-même et les savants de notre génération, contemporains et anciens, pourquoi les savants de la Sunna ont toujours réfuté le fait de nier les attributs ou de les interpréter. Ils ont considéré cela comme de la falsification des textes d'attributs. Pourquoi? On l'a appris à travers l'étude des 6 points. On a dit, on pourrait, pour nous faciliter à nous, en tant que francophones, pour bien comprendre le sujet, moi j'ai facilité pour nous, les francophones, j'ai facilité pour qu'on puisse comprendre ce que nous enseigne l'auteur, en quelque sorte, pourquoi les savants n'ont pas accepté l'interprétation des attributs. C'est ce qu'on a appris, puisque c'est une grande question, puisque l'interprétation des textes des attributs, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça s'est, à une certaine époque ensuite, ça s'est propagé dans tout le monde musulman, jusqu'à ce que cette croyance, elle est, à une certaine époque, est devenue dominante. On ne peut pas le nier. Si vous regardez, vous observez, remarquez l'histoire dans le monde musulman, ensuite, cette croyance liée à l'interprétation, ce qu'on appelle ta'wil al-sifat, c'était la doctrine émergente à un certain moment et ensuite dominante dans le monde musulman. Nous, ce qu'on a appris, pour une personne qui a une envie d'apprendre sa religion, une envie de comprendre sa religion, qui aime comprendre l'histoire et les livres et les débats qu'il y a eu entre les savants musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, ça devient un grand débat. Grand débat. Regardez, à l'époque du savant de l'islam, Cheikh Ibn Taymiyyah, comme on a dit, à l'époque, ces débats-là, c'est des débats de société. C'est des débats qui sont des débats de société. Cheikh Ibn Taymiyyah, pour sa croyance concernant les noms et les attributs, sera jugé, sera devant un tribunal religieux, où ils vont lui demander pourquoi. Parce qu'à son époque, la doctrine de la négation des attributs, ou bien de l'interprétation des attributs, c'est dominant. Et prendre les attributs, les textes d'attributs selon le sens apparent, à l'époque dans la société, à l'époque de Cheikh de l'Islam, plus tard après Ibn Qayyim et d'autres savants, c'est pas ce qui domine. Et donc ça c'est vraiment la question et la doctrine de l'interprétation des textes d'attributs, c'est vraiment propagé dans le monde musulman. Donc ici pour une personne qui veut comprendre l'histoire, qui veut comprendre l'histoire des musulmans et des différentes sociétés musulmanes et comprendre les livres et les écrits sur le sujet, là c'est un sujet très important. À travers 6 points qu'a mentionné l'auteur, on a compris pourquoi de grands savants musulmans n'ont cessé, à travers leurs œuvres, à travers leurs écrits, de réfuter le fait d'interpréter les textes d'attributs. Pourquoi ? On a pris 6 points. Donc jusque-là, vous comprenez. On a fait une révision. 6 points. Au sixième point, le sixième point et dernier point que va mentionner l'auteur, dans ce sixième point, par rapport à ce point-là, il va ensuite le détailler. Et celui-ci en différents points. Et c'est ces points justement qu'on est en train d'étudier. Donc je vous le répète parce que j'ai peur ensuite qu'on ne suit pas. Si par exemple, on arrivait à étudier ces points en une assise, on n'a pas besoin de le répéter. Si on les étudie en une assise, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, mais des fois un point nécessite toute une assise. Et donc après, j'ai peur que lorsqu'on arrive à l'autre assise, on perd un peu le fil. C'est pour ça que je suis obligé de vous rappeler dans quel sujet on est. On est dans quel sujet ? On est dans le développement du sixième point. On est dans le développement du sixième point. Qui est-ce qui ne s'en rappelait pas, qui ne le savait pas ? Alors, regardez. Quel était ce sixième point ? C'est lorsque l'auteur, dans le dernier point, il dit, parmi les causes, puisque ces six points, c'est les causes pour lesquelles les savants voient que la doctrine de l'interprétation, donc, comme l'auteur le considère, de la falsification des textes d'attributs, est fausse. Et elle n'est pas conforme aux enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Il dit, dans le sixième point, donc il a mentionné six points qui prouvent cela, et dans le dernier, et il dit bien, et dit, nous avons évoqué six points, لأنه كلما تكاثرت الأدلة قوي المراد وإلا فإنه يكفي وجه واحد. Il dit, moi j'ai évoqué, il dit, six points. Alors qu'en fait, il dit, j'aurais pu évoquer qu'un point. Dans ces six points-là qu'il a évoqués, un point suffisait pour mettre en exergue et en apparence la nullité de la doctrine de l'interprétation. Des textes, je dis bien, d'attributs. Des textes d'attributs divins. L'attribut d'Allah, Azzawajal. Mais il dit, j'évoque six points, parce que plus, il dit, les preuves et les arguments sont abondants, plus l'argument se renforce. Et plus l'argument, il dit, est fort. C'est pour ça qu'il a évoqué différents points. Sinon, il aurait pu évoquer, ne serait-ce qu'un seul point, ça suffisait. Dans le sixième point de ces points-là qu'il a mentionné, il dit, ce qui prouve la nullité de la doctrine de la négation, c'est que leur doctrine implique des implications. Elle implique des choses. Ces choses-là, on les nomme lawazim, implications. Elle implique des implications. Et ces implications sont fausses. Et la règle est que si les implications sont fausses, la chose elle-même, donc, cela prouve que celle-ci est fausse. Si les implications sont fausses, on pense une chose, mais cette chose qu'on pense implique telle et telle chose. Si ce qu'elle implique est faux, alors automatiquement, ça remet en cause la pensée elle-même et le cœur de la pensée. Donc, dans le sixième point, il dit, pourquoi la doctrine de la négation est fausse ? Parce qu'elle implique des choses. Des choses qui ne sont pas acceptables. Des choses fausses. Quelles sont ces applications ? Quelles sont ces choses que la doctrine de la négation implique ? C'est ces points qu'on est en train d'avoir. Il a dit premier point, deuxième point, troisième point. Nous, on est arrivé à quel ? Premier, deuxième, on est arrivé hier au quatrième. On est arrivé au quatrième. Donc, vous avez compris ce qu'on est en train de continuer, ce qu'on est en train vraiment d'étudier. Donc, ces points-là, c'est quoi ? Ce sont les implications, ce qu'implique la négation des attributs. C'est-à-dire, si on va dans le sens de la doctrine de la négation des attributs, si par exemple une personne se dit à un moment donné, mais il réfléchit sur la négation des attributs. La négation des attributs. Annahu, alors fi ibtali madhhabi ahli at-ta'til, annahu yalzam alayhi lawazim batila. Il verra, s'il observe justement ce madhab, il remarquera donc ce courant de pensée, cette doctrine implique des choses. Et ce qu'elle implique, ça prouve la nullité de celle-ci. Qu'est-ce qu'elle implique ? À titre de révision, premier point. Il a dit, premièrement, ça implique quoi ? Cette croyance-là implique de croire, premièrement, de ne pas prendre le sens apparent des textes d'attributs. C'est-à-dire le sens apparent, de ne pas le prendre. Pourquoi ? Parce que pour eux, accepter le sens apparent des textes, ça serait tomber dans une forme de teshbih, de comparaison. Donc pour eux, l'acceptation des textes, l'acceptation de l'apparence des textes d'attributs, ça serait, l'acceptation du sens apparent des textes d'attributs, ça serait accepter la comparaison, affirmer la comparaison. Quelle comparaison ? On avait expliqué, hein, bien expliqué cela, entre le créateur et la créature. Et donc, si on prend pour eux, si on accepte le sens apparent des textes d'attributs, ça implique. Vous avez vu, lorsqu'on dit implique, les implications, ça implique quoi ? Ça implique comparer le créateur aux créatures. Sauf que cette implication, elle est vraie ou fausse ? Elle est fausse ? Vous êtes sûr ? Je répète. Le fait de penser, regardez, eux, c'est une implication. Pour eux, prendre le sens apparent du texte, d'attribut, ça implique, impliquer, c'est-à-dire ça rend obligatoire, comparer le créateur à la créature, tomber dans le teshbih. C'est faux ? Ou c'est vrai ? Non, dans le sens, est-ce que cette implication-là, elle est vraie ? C'est-à-dire, si on prend le sens apparent du texte, est-ce que c'est vrai qu'on compare le créateur à la créature ? C'est faux, sûr ? Sûr ? Sohaib ? C'est-à-dire ? En fait, pourquoi je vous pose cette question de cette manière-là ? Parce que si sur cette question, on n'est pas d'accord, on diverge, c'est-à-dire on ne peut pas évoluer en fait. Là, en fait, on est arrivé au quatrième point. On est arrivé au quatrième point. Ce que je suis en train de faire, c'est je suis revenu au premier point pour voir si déjà le premier point, on l'a compris. Donc très rapidement, je rénumère premier point, deuxième point, troisième point. On peut continuer ensuite où on s'est arrêté hier, quatrième point. Mais si sur le premier point, on diverge, ça veut dire que là, on peut pas passer ce premier point. Regardez, je vous réitère la question. Cheikh, ici, l'auteur, il dit ce qui prouve la nullité de la doctrine de la négation des attributs, c'est que eux, ils imposent des implications. C'est-à-dire que pour eux, prendre le sens apparent du texte, ça va impliquer telle et telle et telle et telle chose. Qui vont les empêcher, donc, de prendre le sens apparent. Et donc, ils vont avoir recours à soit la négation, soit l'interprétation, mais pas au fait de prendre le sens apparent du texte d'attribut. Donc, ces implications-là, Cheikh, il dit, ce que eux prétendent être des implications dans le sens, que le sens apparent implique telle, telle et telle chose, Cheikh, il va nous expliquer en différents points que leurs implications sont fausses. Donc si leurs implications sont fausses, ça prouve la fausseté du raisonnement. Si par exemple, une personne te dit, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, ça implique qu'il y aura telle et telle chose. Donc si c'est vrai, on va éviter de faire la chose. Mais si c'est pas vrai, non, je peux faire ça, ça va pas impliquer, il n'y aura pas ça. C'est ça une implication. Si tu fais telle et telle chose, il y aura des implications, les conséquences d'une chose. Donc, le premier point, parmi les implications que eux disent. Alors, un premier point, ça serait que si on prend le sens apparent des textes d'attributs, ça implique comparer le créateur à la créature. Est-ce que cette implication est vraie? Fausse? Sûr? Vous êtes sûr? Naam, oui. Ouais. Ben oui. Elle est fausse, pourquoi? Parce que eux, ils pensent que, par exemple, si, par exemple, toujours on donne l'exemple simple, Allah nous dit dans le Coran qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. L'apparence du texte, al-istiwa, c'est le fait de s'élever, de s'établir au-dessus du trône. Ils vont dire, non, on peut pas l'accepter le sens apparent. On peut pas dire qu'Allah istawa ala arshihi selon le sens apparent, non. On est obligé de l'interpréter. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça implique qu'on va comparer le créateur à la créature. C'est faux. Parce que là, c'est comme si qu'ils disent que les textes, alors, la parole d'Allah, ça implique la comparaison. C'est pas possible. Le sens apparent de la parole d'Allah n'implique en aucun cas de la comparaison. Par exemple, dans le verset, lorsqu'Allah dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Comme on a mentionné l'exemple dans les différentes assises. Là, selon la doctrine de la négation, ils vont dire, le sens apparent là, que j'ai créé de mes deux mains, on peut pas le prendre. Dire pourquoi? Faut soit le nier, l'interpréter, mais faut trouver une issue. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, on va tomber dans la comparaison. Ça implique, on prend le sens apparent, et on dit, Allah, il a dit, pour celui que j'ai créé de mes deux mains. Si on prend le sens apparent, ils vont dire, non, on compare le créateur à la créature. Donc, c'est une implication. Ça implique telle et telle chose. Et là, l'auteur nous dit que cette implication, elle est fausse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah, dans le Coran, nous dit « Rien n'est comparable à lui. » Donc, Allah nous informe de choses à son sujet, mais on sait très bien que ces choses-là ne sont pas comparables à lui. Donc, en aucun cas, dans les textes sacrés, il y a du teshbih, il y a de la comparaison. Ça, c'est première chose. Vous comprenez dans quel sujet m'attendez? Les implications. C'est-à-dire, toutes les implications qu'on va nommer là, elles sont fausses. C'est-à-dire que si vous lisez un livre, si vous écoutez une conférence, ou si vous écoutez un prêche, ou si vous lisez un article, ou une recherche, ou vous écoutez un cours, où il y a justement la substance ici contient de la négation des attributs, et que l'auteur de cette conférence ou de ce cours ou de cet écrit, de ce livre, adhère à la négation des attributs, c'est parce que lui, il pense que dans l'affirmation des attributs ou bien du sens apparent des textes des attributs, il y a ces implications. Donc pour fuir ces implications, ils ont fui l'affirmation du sens apparent du texte. Or, nous, qu'est-ce qu'on apprend dans la doctrine des gens de la Sunna, des musulmans qui ont pris la croyance justement qui était en vigueur et enseignée, c'était la croyance des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de ne pas débattre dans ce sujet-là et de prendre le sens apparent sans en polémiquer et en débattre. De prendre le sens apparent. Donc si vous entendez des implications, non, mais tu ne peux pas prendre le sens apparent. Pourquoi ? Parce que tu compareras le créateur aux créatures. Non, c'est faux. Premièrement. Deuxième implication, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, si. Deuxième implication. Ce qu'implique maintenant leur parole. Donc, premièrement, leur parole implique que dans le Coran, il y aurait du teshbih, de la comparaison. Donc on a dit c'est faux. Il n'y a pas de comparaison. Deuxièmement, leur doctrine implique aussi que, alors, ça sous-entendrait que le livre du créateur, le Coran, comme on l'avait évoqué dans le deuxième point, le Coran à la base qui est décrit comme un livre qui est une guidée pour l'humanité. Un livre qui est une guérison pour ce qui se trouve dans les poitrines. Un livre d'une langue claire et explicite. Un livre d'une clarté immense. Un livre qui est lumière pour toutes les générations, pour toute l'humanité. Un livre où il y a discernement entre le bien et le faux. Et le mal, et le bâtil. Alors, ça sous-entendrait que la question de croyance du domaine des noms et des attributs, c'est pas clarifié dans le livre. Dans le Coran, donc, leur croyance à eux implique quoi ? Que la croyance du domaine des noms et des attributs, c'est pas clarifié dans le livre. Alors que le livre, il est décrit, le livre d'Allah, la parole d'Allah, elle est décrite comme étant guidée pour l'humanité, guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, descendue d'une langue arabe claire et explicite, d'une clarté incomparable. Mais là, on te dit, dans le domaine des noms et des attributs, qui est un domaine très important, la description du créateur, ça sous-entendrait que ce n'est pas clair, que ce n'est pas traité dans le livre, ce domaine très important. Pourquoi ? Parce que les sens que eux ont émis à ces attributs, est-ce que c'est mentionné dans le Coran ? Non. Dans le Coran, c'est quoi qui est dit ? Le sens apparent. Mais eux ne prennent pas le sens apparent. Donc pour eux, cette question n'est pas claire. Ça implique, leur doctrine implique que la question des noms et des attributs dans le Coran n'est pas claire. Est-ce que c'est possible, c'est concevable ? C'est pas concevable. Donc ça prouve la nullité de... C'est un point aussi qui prouve la nullité du madhab. Taïb. Troisième point. Leur croyance à l'égation va impliquer quelque chose aussi. Une implication fausse. Elle va impliquer, alors aussi, selon leur pensée et leur doctrine, s'implique donc que le prophète, lui-même, ses compagnons et les grands imams guides de la nation ont eu un manquement. Pourquoi ça implique, leur croyance implique que ça sous-entendrait quelque part que les compagnons, les grands imams des premières générations ont eu un manquement. Comment on peut comprendre ça? Pourquoi? Comment? Si une personne dit non, j'ai pas dit ça. Je dis, ça prouve que tu dis qu'ils n'ont pas compris le sens et ils te disent non, j'ai pas dit ça. Je dis juste le sens de la main, c'est la puissance. Oui, donc. Ouais. Donc, pourquoi ça sous-entendrait alors qu'ils ont eu un manquement avant? Qu'est-ce qu'il veut rajouter aussi? Pourquoi ça sous-entendrait qu'ils ont eu un manquement? Il a bien répondu, hein. Mais comme c'est pour savoir si tout le monde aussi a la réponse. Mais si par exemple, une personne partisane de la doctrine de la négation, on lui dit, ta croyance implique que le prophète, les compagnons, les grands imams de la nation ont eu un manquement. Quel manquement? Pourquoi un manquement, ça sous-entendrait ça? Pourquoi il n'aurait pas compris? Pourquoi ça sous-entendrait qu'ils ont mieux compris? Voilà, tout ça. Parce que eux rapportent des sens. Par exemple, ils disent la descente, par exemple, du créateur, c'est pas dans le sens qu'il descend, premier ciel. C'est dans le sens, c'est son ordre et sa miséricorde qui descend. L'istiwa, c'est dans le sens de la domination, pas l'élévation. La main, c'est dans le sens de la puissance. Et là, on dit, mais qu'est-ce qu'a dit ça? C'est dans le Coran? C'est dans le Sunna? C'est le prophète qui a dit ça? Non. Donc ça veut dire que les premiers, le prophète, les compagnons, les grands hommes, il y a eu un manquement. Aussi bien dans la connaissance, ils n'ont pas connu vos sens, puisqu'ils ne l'ont pas dit. S'ils nous disent, si, ils le savaient. S'ils disent, si, ils le savaient. Ah d'accord, ils le savaient, mais ils ne l'ont pas dit. Donc ils ont eu un manquement dans... Ça veut dire qu'ils ont eu un manquement dans la transmission. Ils n'ont pas transmis ce qu'il fallait transmettre. Pourquoi? Parce que le temps, ce qu'il nous enseigne, il dit, si vraiment le sens de la main, c'est la puissance. Par exemple, on interpréterait, lorsque Allah dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Si on dit que le sens, c'est la puissance, donc on interpréterait dans le sens, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé par ma puissance? D'accord. Mais qui est-ce qui a interprété dans ce sens-là? Ça ne nous est pas rapporté du prophète, ça ne nous est pas rapporté des compagnons, ça ne nous est pas rapporté de grands imams parmi leurs successeurs. S'ils disent, si, mais ils le savaient. Donc ensuite, une question émerge. Donc, est-ce qu'ils le savaient que la main, c'était dans le sens de la puissance? S'ils disent, oui, ils le savaient. Le prophète, Farsam, ne pouvait pas ne pas savoir. Donc on lui dit, donc il n'a pas transmis. Les compagnons le savaient? Soit il nous dit, non, il ne le savait pas, les compagnons. On lui dit, Ajib, c'est-à-dire, toi tu sais, et vous savez plus tard ce que les compagnons n'ont pas su. Que la main, dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, c'est dans le sens de la puissance, par exemple, ou sinon certains disent, le nirma, le bienfait. Donc s'ils disent, non, les compagnons, en fait, ne le savaient pas. Donc ils ont un manquement. Manquement dans quoi? Dans la connaissance. Donc vous, après, vous avez mieux su que les compagnons. S'il dit non, non, il savait en fait. D'accord. Donc ils savaient ce sens très important, mais ils n'ont pas enseigné. Ils n'ont pas dit. Donc là, ils ont eu un manquement. Ils ont été déficients dans quoi? Ça veut dire dans la transmission et dans l'enseignement. Donc, en fait, vous avez compris que leur croyance implique une implication qui est fausse. Une implication qui est fausse. Vous comprenez? Ce point, il est compris? En fait, c'est ce qu'on avait appris hein, dans les assises précédentes. Ça, c'est le deuxième. Pardon, c'était le deuxième ou le troisième? Troisième. Le quatrième, on avait dit. Celui qui évoque le quatrième, mashallah. Vous vous rappelez, non? Celui d'hier. Bon, pour qu'on puisse avancer, je le dis. Le quatrième, leur doctrine implique encore une implication qui est fausse, qui n'est pas concevable. Elle implique donc que si on va dans ce sens-là, sur ce sujet-là très important qui est la croyance au nom et aux attributs divins, l'auteur nous dit, donc, ça implique qu'en fait, ce qui est source de référence, ce n'est pas la parole d'Allah et de son messager. Si on suit la doctrine, c'est-à-dire que ce qui fait référence n'est pas la parole d'Allah et de son messager. Ça serait quoi alors, la source de référence? Qu'est-ce qu'on a pris? Leur source de référence, ça serait quoi alors? Arsent, al-aql, la raison. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est quoi pour eux la source sur laquelle ils s'appuient, en fait, pour résumer, la source sur laquelle ils s'appuient pour accepter et refuser au sujet d'Allah ce qu'ils veulent. C'est leur raison. C'est ce que eux qualifient leur aql, la raison humaine. C'est-à-dire que ce que leur raison, leur conception accepte, ils l'acceptent. Ce que leur raison, non, ne conçoit pas, ils le refusent. Donc, en fait, la référence sur le sujet des noms et des attributs, pour eux, en fait, c'est la raison. Par exemple, leur raison ne conçoit pas l'affirmation d'attribut des mains. Il nie. La raison ne conçoit pas l'élévation du Créateur et l'établissement sur son trône. Il nie. Le prophète nous dit qu'Allah Azzawajal, au dernier tiers de la nuit, descend au premier ciel. La descente? Non, notre raison ne conçoit pas ça. Il nie. Donc, en fait, les textes disent, leur raison ne conçoit pas. Il nie. Donc, on voit qu'en fait, ça implique quoi? Ce qu'on vient de dire, que la source de référence, c'est leur raison. Ça implique cela. Or, sur cette question très importante, on a la description du Créateur, la description d'Allah. C'est des choses qu'on ne peut concevoir. Ça fait partie de la science de l'invisible. On ne peut pas affirmer pour Allah ce qu'on veut et nier pour le Créateur ce qu'on veut parmi les attributs. On ne peut pas s'imaginer un Créateur à notre image à nous. Donc le Créateur nous informe à son sujet, puisque nous, si Allah Azzawajal, notre Créateur, ne nous informe pas à son sujet, ne nous donne pas des informations à son sujet, on aurait pu les savoir. Dans le sens, on n'aurait pas pu les connaître, ces informations-là. Donc Allah nous informe à son sujet. Il nous informait, il nous disait qu'il est le tout miséricordieux, le grand miséricordieux, le clément, le grand pardonneur, Al-Jabbar, Al-Wadud, celui qui s'est adressé, qui a parlé à des prophètes, en l'occurrence au prophète Moussa, alayhi salam. Allah nous informait à son sujet qu'il est élevé au-dessus de tout, il est au-dessus de sa création, celui qui domine tout, subhanahu wa ta'ala, qui cerne tout de son savoir et de sa science. Comment on a su tout cela? Ces informations-là qu'on a sur notre Créateur. Parce qu'Allah nous a informés. Sinon, On n'aurait pas pu nous s'imaginer ces choses. Donc en fait, la source de référence dans ce domaine-là des noms et des attributs, c'est les textes. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous informe à son sujet. Donc celle-ci, ce quatrième point, il est compris. En fait, c'était le point qu'on a étudié hier aussi. Et pourquoi, et l'auteur dans son commentaire, l'auteur, il va évoquer un point très important. Pourquoi que dans le domaine des noms et des attributs, la source de référence n'est pas la raison, mais la révélation, la transmission. Pourquoi ? Parce que il dit, en fait, la raison peut se contredire. Parfois, l'être humain peut se contredire. À des moments, il dit une chose, et des moments, il peut revenir sur cette chose-là. C'est ça l'esprit humain. Parfois, il peut être convaincu d'une chose, et parfois, il peut revenir. Donc, parfois, l'être humain, il est contradictoire. Parfois, on peut faire preuve de contradiction. Ça, oh là là, c'est vrai. On peut faire preuve de contradiction. Donc, si on suit la raison humaine, parfois l'auteur nous dit يلاحظ في هذا التقسيم شيء واجب وشيء ممتنع وشيء جائز. Regardez dans la parole de l'auteur, à un moment donné, il va faire allusion à des choses qu'il appelle, il y a des choses qui pourraient être obligatoires, des choses qui pourraient être permises, des choses qui pourraient être impossibles. Des choses qui pourraient être impossibles. Taïb. Ces choses-là que dit l'auteur, c'est que يلاحظ في هذا التقسيم شيء واجب وشيء ممتنع وشيء جائز فالواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال والممتنع هو الذي يكون صفة نقص على كل حال والجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سبب مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما أشبه ذلك وعليه فنقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل وهذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع أي عقل تزين به ذلك ولنفرد أنه قال نزين هذا بعقل فلان نقول أيهما أعلم هذا الرجل الذي قلت إنه هو المرجع أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر وإذا قال الرسول قلنا يجب أن ترجع إلى ما قال الرسول فأين العقل الذي زعمت الآن أنه مفضول ومرجع. Premièrement, il dit, pour prouver que, en fait, cette question, en ce qui concerne la description du Créateur, il y a des choses qui rentrent dans la description du Créateur et l'affirmation des attributs, des choses qui sont obligatoires, c'est-à-dire tout ce qui dénote que la perfection. Et rien que la perfection. Ça, on les attribue au Créateur. C'est-à-dire ce qui, les attributs de perfection, tout ce qui dénote la perfection, on attribue au Créateur subhanahu wa ta'ala. Ce qui dénote que l'imperfection et le manquement et la diminution, on ne peut les attribuer au Créateur. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on appelle le mumtani'a. C'est mumtani'a. Il y a impossibilité d'attribuer cela au Créateur. Il y a des choses qui sont permises, qu'on peut, par permission, attribuer au Créateur, qui ne sont pas dans l'absolu des choses qui dénotent que la perfection, mais ils peuvent dénoter la perfection selon les circonstances. Selon les circonstances. C'est des choses, donc, selon les circonstances, qu'on peut attribuer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, ici, si on se réfère à la raison, il dit وَلِهَذَا تَجِدْ هَؤُلَى الْعُقَلَى الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عُقَلَى يَقُولُونَ هَذَا وَاجِبٌ لِلَّهِ. Des personnes, par exemple, qui seront qualifiées comme des gens doués de raison, des gens sages, doués de raison. Alors vous trouverez qu'une personne, par rapport à sa raison à lui, il dira telle et telle chose, on peut l'attribuer à Allah Azza wa Jal par obligation. Telle et telle chose, on peut l'attribuer à Allah. Vous trouverez un autre, wa akhar yaqul non. Un autre dira selon sa raison, non. Ça, on peut l'attribuer au Créateur. Wa thalithu, et le troisième, il dira si, c'est permis. Donc si on se, regardez, remarquez bien, il dit si on se fie à la raison, une personne, selon sa raison propre à lui, il pourrait dire que tel et tel attribut, on peut l'attribuer à Allah Azza wa Jal. Un autre pourrait penser, non, tel et tel attribut, non, on ne peut pas l'attribuer au Créateur, selon lui. Un autre dira, non, c'est permis. Pourquoi ? Parce que la raison diverge. Les raisons de chacun divergent. Et c'est pour ça que le cheikh de l'islam, il dit, certains, par exemple, qui ont été qualifiés de sages, parfois on trouve dans un écrit, dans un livre, ils disent telle et telle chose, et parfois ils peuvent se contredire dans un autre écrit. Ils peuvent se contredire dans un autre écrit. Et donc ici, c'est pour cela que les savants stipulent bien dans le sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, ce qui fait office de référence, donc ça peut pas être là, la raison humaine. Mais c'est la révélation. C'est la transmission. Parce que Allah Azza wa Jal, le Créateur, c'est lui qui se connaît mieux que quiconque. Donc personne, il est clair, même la raison humaine ne peut pas concevoir cela, personne ne connaît le Créateur mieux que lui-même. Donc Allah Azza wa Jal nous informe à son sujet, ce qu'il faut office de référence, ce sont les informations d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous informe dans les textes sacrés, dans sa parole, le Coran, à son sujet. Donc, la référence, vous avez vu donc, les implications de la doctrine de la négation sont, l'auteur prouve qu'elles sont fausses. Cinquièmement, et celle-ci, on ne l'a pas étudiée, cinquièmement, regardez l'auteur dit, si on va dans le sens de la doctrine de la négation, dans le sens de nier le sens, par exemple, apparent du texte, d'attribut, ça implique quoi ? Regardez, le cinquième point, il est très pertinent. Il est aussi simple aussi. En fait, c'est des points qui sont simples. Regardez le cinquième point. Selon la doctrine de la négation, ça implique. Ça va impliquer une chose. Ça va impliquer que si on va dans ce sens-là, donc, on pourrait alors, il serait permis, donc, de nier ce que Allah Azza wa Jal, ce que le Créateur s'est affirmé pour lui-même. Et ce que son envoyé a affirmé pour lui-même. Si on va dans le sens de la doctrine de la négation, et de ne pas prendre le sens apparent du texte, d'attribut. Si on va dans ce sens-là, ça implique. Donc ça va impliquer des choses. Ces implications-là, comme on l'a dit, elles sont fausses. En l'occurrence, ça va impliquer la permission de pouvoir nier ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même, est-ce que son envoyé a affirmé pour le Créateur ? Pourquoi ? D'exemple. Allah, par exemple, dans le verset dit « Waja Rabbuk » et votre Seigneur est venu. Les savants ont déduit de ce verset un attribut. Quel attribut ? L'attribut de la venue. L'attribut de la venue. Sauf que, selon la doctrine de la négation, ils disent « Non, on ne peut pas affirmer ça. » Kif, comment ? Le Seigneur viendra. Le Seigneur vient. Il a l'attribut de Al-Maji. Ils ont dit non. Et donc, lorsqu'ils ont nié, ils ont dit le Seigneur la yaji. Le Seigneur ne vient pas. Il n'a pas l'attribut de la venue. Pourtant, lorsque eux disent non, Le Seigneur ne vient pas. Pourtant, Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran ? Waja'a Rabbuk. Et ton Seigneur est venu. Donc, ensuite, selon la doctrine de la négation, ils vont soit nier catégoriquement, ou bien il y aura un autre cours, l'interprétation selon les doctrines. Selon les doctrines. Ceux qui vont interpréter, par exemple, ils vont dire, en fait, c'est pas le Seigneur qui vient. Ici, c'est son ordre. Ils vont interpréter le sens. Sauf que là, on a appris, on est dans un texte d'attribut. Où là, il y a une information sur le Créateur. Allah dit « Waja'a Rabbuk ». C'est clair, une langue arabe explicite, claire, où Allah dit « Et ton Seigneur est venu ». Donc, il y a l'affirmation de l'attribut de Al-Maji. Ils disent « Non, en fait, c'est son ordre qui vient ». Donc, ça sous-entend quoi ? Qu'ils disent que Allah ne vient pas. Donc, Allah dit qu'il vient, et selon leur doctrine, donc, ça permet de nier ce qu'Allah, ça donne la permission de nier ce qu'Allah s'est affirmé en fait pour lui-même. Ça implique ça. Donc Allah dit qu'il vient, donc il y a ithbat, l'affirmation de l'attribut de la venue, et eux disent non. Par exemple, le prophète dit au sujet d'Allah que notre Seigneur descend kulla laylatin, toutes les nuits au premier ciel. Ils disent non. Non. Allah descend pas. Allah, le prophète dit qu'Allah descend, eux ils disent non, il ne descend pas. Donc, selon la doctrine de la négation, ça implique la permission de pouvoir nier ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Est-ce que c'est impliqué? Et donc, est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'on peut nier ce qu'Allah azzawajal s'est affirmé pour lui-même? Non. Donc, on voit que cela prouve la fausseté de cette pensée. Alors, c'est pour ça qu'il dit « Innahu la yanzil »« Li'an al-isnad al-maji wa al-nuzul ila Allahi majazun indahum » Pourquoi aussi ? Parce que en fait, ils ont recours aussi au fait de dire qu'en fait, lorsqu'il est dit que le Seigneur vient, ou lorsqu'il est dit que le Seigneur descend toutes les nuits au premier ciel, pour eux, c'est un sens figuré, comme métaphorique. Ça serait une métaphore. Et ça ne serait pas au sens propre. Ça serait un sens figuré. وَأَظْهَرُوا عَلَامَاتِ الْمَجَازِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ صِحَّةُ نَفِيهِ وَنَفْيُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ وَلَا يُمْكِنُ الْإِنْفِكَاكُ عَنْ بِتَأْوِيلِهِ إِلَى أَمْرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. Et donc, ceux qui considèrent que l'ordre alors ici, que ce qui est dit dans le texte, c'est métaphorique. C'est une métaphore. C'est un sens figuré. Donc ensuite, ça revient à une chose qui est indissociable. Ça revient à une chose qui est indissociable. En disant cela, donc, on nie ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Quel que soit le recours, que ce soit l'interprétation, ou la falsification, ou la négation claire, ou bien le fait de dire que c'est une métaphore, c'est un sens figuré, c'est pas le sens propre, tout cela c'est de la négation. C'est nier en fait ce qu'Allah Azzawajal s'est affirmé pour lui-même. Vous avez compris ces 5 points ? Vous avez compris, c'est vraiment des arguments qui sont très pertinents. Vous avez compris que pourquoi les savants depuis les premières générations, les savants musulmans, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu recours à l'interprétation des attributs ou des textes d'attributs. Vous avez vu, parce que ça a des implications. Mais d'affirmer le sens apparent des textes sans chercher le comment, sans s'imaginer le comment de l'attribut, sans nier, sans faire de comparaison, sans faire de falsification. On accepte le texte comme il est venu. Ensuite, si on nous demande, d'accord, donc vous dites que Allah Azza wa Jal descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit. Bah oui. Ils vous disent, vous dites ça? Bah oui. Mais c'est pas nous qui le disent. C'est pas nous qui l'avons dit. C'est le messager de Dieu. C'est le messager d'Allah Azzawajal qui l'a dit. Nous, on dit ce que le prophète Ansem a dit. Et alors, on leur pose l'action. Et vous, vous le dites ? Non. Donc, vous niez ce que Allah Azzawajal et ce que son envoyé a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous nous reprochez à nous d'affirmer ce que l'envoyé d'Allah Azzawajal a dit au sujet d'Allah Azzawajal. Donc là, on est dans un paradoxe. Il reproche à ceux qui répètent la parole du prophète Sansam, et eux, en niant l'information du prophète Sansam, ce que le prophète a affirmé pour le créateur, ils pensent que ça, c'est la vérité. De nier ce que l'envoyé d'Allah Azzawajal a affirmé. Pourquoi eux le nient ? Ils ont dit, Kif, comment cela ? Vous affirmez qu'Allah descend au premier ciel ? Mais si vous dites ça, ça implique que s'il descend, on compare le créateur aux créatures, parce que ça nécessite un mouvement. Donc ça nécessite corps. Parce qu'on ne peut faire un mouvement sans corps. Et ça nécessite de descendre au premier ciel. Donc le créateur serait dans la création. Et donc, vous avez vu, ça implique, implique, implique. Or, ces implications-là sont liées à leur imagination. Est-ce que toutes ces implications et ces règles, ces philosophies-là, les compagnons ont enseigné ça? Non. Le texte est venu, qu'Allah Azzawajal descend en premier ciel. Allah, comment il descend? Allah, on ne sait pas, nous. Nous, on répète ce que le prophète a dit. Donc, comment Allah? Je vous pose une question. Donc, comment on peut comprendre qu'Allah descend en premier ciel? Qu'est-ce qu'il répond? Souhaib, comment Allah il descend en premier ciel? Oui? La réponse est bonne de dire il descend comme il convient à sa majesté. Mais aussi, il faudrait dire aussi, en fait, cette question posée, elle est interdite. On n'a pas le droit de poser la question. En fait, la question que je viens de poser, il ne faut pas la poser. Dès le départ. Comment Allah il descend? Bida! C'est une innovation. On ne pose pas la question. Par contre, oui, il descend comme il convient à sa majesté. Comme il convient. Et ce qu'on sait, rien n'est semblable à lui. Mais dire comment est-ce qu'Allah Azzawajal descend, bida, c'est une innovation, c'est une hérésie de poser cette question-là. On ne pose pas la question. Le texte est venu, il nous informe au sujet d'Allah. On y croit, nous avons entendu, nous y croyons. Le comment, on ne sait pas. Comment Allah s'est-il élevé et établi au-dessus de son trône? Allahu a'lam. On ne sait pas. Mais on sait, c'est comme il convient à sa majesté. Comme il convient, c'est lié à Allah Azza wa Jal. Comme il sied à sa majesté. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien n'est comparable à lui. Donc, en aucun cas, il y a comparaison. Allah parle. Comment ? Allah a'lam. Taïb. Est-ce qu'on peut un peu s'imaginer le comment ? Non. Est-ce qu'on peut un peu se dire ça doit être comme les créatures ? Non. On ne s'imagine pas. C'est ça la différence. Tandis que celui qui nie, il veut fuir une chose, lui, celui qui nie, va dire on ne peut pas dire que le créateur parle. Dis pourquoi ? Parce que si on affirme que Allah parle, donc on le compare aux créatures. C'est les êtres humains qui parlent. Et Allah n'est pas semblable à nous. Mais pourquoi? Parce que lui s'est imaginé préalablement le parler. Or ici, Allah nous informe qu'il parle, mais comment? Allah a'lam. C'est comme il convient à sa majesté. Mais nous, on ne peut pas nier. Puisque Allah nous l'affirme dans le Coran. Si, regardez, cela est compris. L'auteur, regardez ce qu'il dit ensuite. ثُمَّ إِنَّ مِنْ أَهْلِ التَّعْطِيلِ مَنْ تَرَدَ قَعِيدَتَهُ فِي جَمِعَ الصِّفَاتِ أَوْ تَعَدَّ إِلَى الْأَسْمَاءِ أَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ تَنَاقَضَ فَأَثْبَتَ بَعْضُ الصِّفَاتِ دُونَ بَعْضٍ كَالْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ. Regardez ensuite, l'auteur nous dit maintenant. Maintenant, il nous parle de cette doctrine-là et il nous dit ensuite, une fois qu'on a compris cela, regardez ce qu'il va dire. Ensuite, les partisans de la doctrine de la négation ont appliqué cette règle-là pour tous les attributs. Parmi eux, parmi les partisans de la doctrine de la négation, cette règle-là, quelle règle ? La règle de nier. Pourquoi ? Parce que pour eux, l'affirmation des attributs, ça implique la comparaison. Ça implique telle et telle chose et telle et telle chose. Alors ensuite, ils ont nié. Parmi eux, ceux qui ont cette règle-là de négation sur tous les attributs. Certains, eux, sur les attributs et aussi sur les noms. Sur les noms. Donc aussi bien ensuite, ça les a menés à nier aussi bien les noms et les attributs. Certains parmi eux se sont contredits aussi. Comment ? Eux, certains ensuite sont apparus, ils ont dit non. On affirme une certaine catégorie d'attributs et on renie d'autres attributs. Donc ensuite, vous avez vu, il y a eu l'émergence de différents courants. Des courants qui ont nié tous les attributs, des courants ensuite qui ont dit les noms aussi, il faut les nier. Donc on a eu le courant de ceux qui ont dit que Allah n'est pas Ar-Rahman, Ar-Rahim, tout ça, ce ne sont pas les noms. Et donc ils ont tout nié. Parmi Al-Ta'til. D'autres ont dit non, les noms on les affirme, mais ils ont dit Wassamir bila Sama, Al-Basir bila Basar, Al-Qawi bila Kuwa, Al-Aziz bila Izza, et la Akhiri. Ils ont dit non, on accepte les noms mais pas les attributs. D'autres ensuite ont émergé, ils ont dit non. On affirme certains noms et, certains attributs et on nie d'autres attributs. Ça c'était le courant et la doctrine d'Al-Ash'ari'a. Ou Al-Maturidiyya, de doctrine appelée nommée Al-Ash'ari'a ou Al-Maturidiyya. C'est pour ça, parmi l'Ash'ari'a, certains, par exemple, qui ont affirmé 13 attributs. Ils affirment 13 attributs, et tout le reste parmi les attributs, ils les nient. D'autres parmi eux ont divergé. Ils ont dit, nous acceptons que 7. Certains ont accepté 7 attributs. Donc ensuite, est apparu d'autres doctrines qui ont dit, nous affirmons certains attributs, par contre, on nie d'autres attributs. Donc, vous avez vu, ensuite, ça se complique. Là, dans le courant de pensée de la négation, ça se complique entre ceux qui nient tout, entre ceux qui affirment les noms, pas les attributs, entre ceux qui affirment une partie d'attributs et renient une autre partie. Donc, vous avez vu, la règle n'est pas une règle commune. Puisqu'ensuite, ça se contredit. أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. Et donc ceux qui ont, ensuite qu'ils ont émergé sont apparus. Ils ont dit bon, on va affirmer une partie d'attributs parce que selon une certaine considération, ils ont vu plus pertinent d'affirmer quand même les attributs. Mais ils ont dit, on va affirmer une partie. Une autre partie, on ne peut pas les affirmer. Donc, quelle serait alors, à votre avis, la source ? Quel va être l'élément qui fera qu'ils pourront distinguer entre les attributs affirmés et les attributs du Créateur, d'Allah Azza wa Jal, à nier ? Ils vont se référer à quoi ? Puisqu'ensuite, pour dire tel attribut, on les affirme, par contre tel attribut on ne les affirme pas. Ça sera quoi la source de référence, à votre avis, selon eux? Parce qu'ensuite il faut, pour distinguer, dire tel attribut, on lit les textes, il y a un attribut, celui-ci on l'accepte. On lit un texte, un autre attribut, non, celui-ci on n'accepte pas. Ça serait quoi la source de référence? Al-Aql. Donc ensuite, ceux qui vont émerger et vont affirmer une certaine partie d'attribut et nier une autre partie, la source de référence, ça sera la raison. Donc selon leur raison à eux, leur argument, ça sera que pourquoi vous affirmez telle partie d'attribut et vous niez telle autre partie d'attribut, et nous devons, leur source de référence, ça sera de dire notre raison indique cela. Ma raison indique de ne pas accepter tel attribut et tel attribut de pouvoir l'affirmer. قال فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفات الإرادة ونفوا صفات الرحمة. أثبتوا صفات الإرادة بدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع منه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات بتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونقول الرحمة لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. Ensuite, ce qui va être pertinent qu'on va laisser à, pour l'assise de demain, si Allah nous le permet, c'est que l'auteur ensuite va débattre. L'auteur va débattre de cela. Le fait de dire que on pourrait affirmer une partie d'attribut et donc nier une autre partie. Il va donner des exemples. Par exemple, ils ont dit Sifat al-Irada, l'attribut de la volonté, ça on l'affirme. C'est quoi affirmer l'attribut de la volonté? C'est dire qu'Allah Azza wa Jal peut vouloir, il veut. Puisque, est-ce qu'on peut dire qu'Allah veut? Selon la doctrine de la négation totale, les partisans de la négation totale, c'est-à-dire totale de tous les attributs, ils sont partisans du fait de dire non, Allah ne veut pas. Puisqu'il nie l'attribut de la volonté. Allah, pour eux, ne veut pas. La yurid. Plus tard, d'autres sont venus, on dit non. Certains attributs, on les affirme, d'autres, on ne les affirme pas. Parmi les attributs qu'ils affirment, par exemple, al-ashahira, al-irada, la volonté, ça, ils l'affirment. Par contre, à titre d'exemple, l'auteur va nous donner l'attribut de la miséricorde, il nie. Ils affirment l'attribut de la volonté, mais par exemple, ils nient d'autres attributs. Par exemple, l'attribut de la miséricorde. Si vous leur demandez, mais pourquoi vous affirmez pour Allah l'attribut de la volonté et pourquoi vous niez l'attribut de la miséricorde? Ils répondront, l'attribut de la volonté s'est prouvé par les textes, par les preuves textuelles et les preuves rationnelles. C'est-à-dire, les textes prouvent la volonté d'Allah Azza wa Jal et aussi notre raison indique l'attribut de la volonté. Mais pour Ar-Rahma, non. Or, l'auteur, c'est ce qu'on va apprendre dans la prochaine assise, va enseigner, et c'est la parole des savants contemporains et anciens, qui disent en fait, si, à partir du moment qu'on affirme un attribut, on doit affirmer tous les attributs. Et on peut affirmer tous les attributs. Et faire exception d'attributs, l'auteur va prouver l'immense contradiction, d'affirmer une partie, j'affirme l'attribut de la volonté, mais je réfute la miséricorde. Et là, l'auteur va nous enseigner l'immense contradiction dans cela. Parce qu'il va enseigner que comment vous avez affirmé, par exemple, l'attribut de la volonté, vous auriez pu affirmer tous les autres attributs de la même manière. Parce que lorsqu'ils vont affirmer l'attribut de la volonté, bien sûr, ils vont dire celle-ci en aucun cas. Par exemple, si vous interrogez les partisans, par exemple, de la doctrine du fait d'accepter certains attributs, de les affirmer et de nier une autre partie. Si vous interrogez, par exemple, dans leur affirmation de l'attribut de la volonté, vous lui posez la question, est-ce que cette volonté-là, elle est comparable à la volonté de la créature? Il vous répondra, est-ce que cette volonté est comparable à la volonté de la créature? Non. Il vous répondra non, puisque eux fuient la comparaison. Et nous aussi, on n'accepte pas la comparaison du créateur à la créature. Donc, comme pour eux, la volonté, l'attribut de la volonté, ils l'acceptent parce qu'ils se disent on peut l'attribuer au créateur. C'est quelque chose pour eux qui peut être attribué à Allah Azza wa Jal. Comme vous avez attribué la volonté à Allah Azza wa Jal, de la même manière, vous pouvez attribuer tous les autres attributs, sans que ces attributs-là soient comparables aux attributs des créatures. Mais vous allez voir l'argumentation de l'auteur dans l'assise de demain, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Vous n'avez pas de questions? Vous savez, moi, j'ai vraiment, je passe. Hein. En fait, dans le commentaire, l'auteur, dans son commentaire, c'est vraiment plus développé. Hein. Moi, on lit le maître pour pouvoir avancer, terminer le livre. J'essaie de donner certaines informations dans le commentaire du Shir qu'il donne pour clarifier le sens. Mais en vérité, là, beaucoup d'éléments du commentaire de Shir, on les a passés, parce que là, c'est vraiment long. Shir, vraiment, il détaille très bien ce qu'il mentionne. Mais de la manière qu'on le fait, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair, et on essaye d'avancer comme ça, qu'on puisse avancer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est compris, alhamdoulilah, et on se dit à demain, inshallah, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad.